Mon père était-il le gitan dans la ville où le prétend? Est-ce d'aller les pieds nus quand le soir est venu? Est-ce mes anneaux d'argent qui font retourner les gens? Est-ce plutôt la façon dont je ris aux garçons? On m'appelle Gitanella, tête folle, cœur frivole, et qui s'envole pour un rien. Pour me plaire, c'est l'affaire d'une yade, d'une aubade, tout grenade, le sait bien. Seigneur Don José, qui m'offrit pour un baiser un vrai collier de diamants, ne fut pas mon amant. Don José est triste et vieux, et chaque soir j'aime mieux comme collier les bras chauds de Juan le porteur d'eau. On m'appelle Gitanella, tête folle, cœur frivole, et qui le vole s'en souvient. Mais qu'importe qu'on m'apporte des diadèmes, le ciel m'aime, moi quand j'aime, c'est pour rien. Moi quand j'aime, c'est pour rien.